Voici une lecture par Martine du roman de Pierre Loti, Pêcheur d'Islande. Deuxième partie, chapitre 13. On distribuait un courrier de France, là-bas, à bord de la Circé, en rade d'Along, à l'autre bout de la terre. Au milieu d'un groupe serré de matelots, le vague-mestre appelait à haute voix les noms des heureux qui avaient des lettres. Cela se passait le soir, dans la batterie, en se bousculant autour d'un fanal. « Mohan, Sylvestre !» Il y en avait une pour lui, une qui était bien timbrée de Paimpol. Mais ce n'était pas l'écriture de Gaud. Qu'est-ce que cela voulait dire? Et de qui venait-elle? L'ayant tournée et retournée, il l'ouvrit craintivement. Ploubalzanec, ce 5 mars 1884. Mon cher petit-fils, c'était bien de sa bonne vieille grand-mère, alors il respira mieux. Elle avait même apposé, au bas, sa grosse signature apprise par cœur, toute tremblée et écolière. Veuve Mohan. Veuve Mohan. Il porta le papier à ses lèvres, d'un mouvement irréfléchi, et embrassa ce pauvre nom comme une sainte amulette. C'est que cette lettre arrivait à une heure suprême de sa vie. Demain matin, dès le jour, il partait pour aller au feu. On était au milieu d'avril. Baknin et Hong Hoa venaient d'être pris. Aucune grande opération n'était prochaine dans ce Tonkin. Pourtant, les renforts qui arrivaient ne suffisaient pas. Alors, on prenait à bord des navires tout ce qu'ils pouvaient encore donner pour compléter les compagnies de marins déjà débarquées. Et Sylvestre, qui avait langui longtemps dans les croisières et les blocus, venait d'être désigné, avec quelques autres, pour combler des vides dans ces compagnies-là. En ce moment, il est vrai, on parlait de paix. Mais quelque chose lui disait tout de même qu'il débarquerait encore à temps pour se battre un peu. Ayant arrangé leurs sacs, terminé leurs préparatifs et fait leurs adieux, il s'était promené toute la soirée au milieu des autres qui restaient, se sentant grandi et fier auprès de ceux-là. Chacun à sa manière manifestait ses impressions de départ, les uns graves, un peu recueillis, les autres se répandant en exubérantes paroles. Sylvestre, lui, était assez silencieux et concentrait en lui-même son impatience d'attente. Seulement quand on le regardait, son petit sourire contenu disait bien « Oui, j'en suis en effet, et c'est pour demain matin. » La guerre, le feu. Il ne s'en faisait encore qu'une idée incomplète. Mais cela le fascinait pourtant, parce qu'il était de vaillante race. Inquiet de Gaud, à cause de cette écriture étrangère, il cherchait à s'approcher d'un fanal pour pouvoir bien lire. Et c'était difficile au milieu de ces groupes d'hommes demi-nus qui se pressaient là pour lire aussi dans la chaleur irrespirable de cette batterie. Dès le début de sa lettre, comme il l'avait prévu, la grand-mère Yvonne expliquait pourquoi elle avait été obligée de recourir à la main peu experte d'une vieille voisine. « Mon cher enfant, je ne te fais pas écrire cette fois par ta cousine, parce qu'elle est bien dans la peine. Son père a été pris de mort subite il y a 2 jours, et il paraît que toute sa fortune a été mangée à de mauvais jeux d'argent qu'il avait fait cet hiver dans Paris. On va donc vendre sa maison et ses meubles. C'est une chose à laquelle personne ne s'attendait dans le pays. » Je pense, mon cher enfant, que cela va te faire, comme à moi, beaucoup de peine. Le fils Gaos te dit bien le bonjour. Il a renouvelé engagement avec le capitaine Germer, toujours sur la Marie, et le départ pour l'Islande a eu lieu d'assez bonne heure cette année. Ils ont appareillé le premier du courant, l'avant-veille du grand malheur arrivé à notre pauvre Gaud. Et ils n'en ont pas eu connaissance encore. Mais tu dois bien penser, mon cher fils, qu'à présent c'est fini. Nous ne les marierons pas. Car ainsi elle va être obligée de travailler pour gagner son pain. » Il resta atterré. Ces mauvaises nouvelles lui avaient gâté toute sa joie d'aller se battre.